après cet accident, de cette catastrophe de Fukushima, je trouvais que c'était important de faire un événement au Parlement. Donc, ce matin, il y a cette présentation d'une heure et demie. Après, on va faire une conférence de presse entre 14h et 14h30. Et après, on fait un événement devant le Parlement où on invite tous les députés européens, puisque vous savez que la stratégie énergétique, quand même, se décide aussi sur le plan européen, et pour leur faire comprendre qu'un accident 3 ans après, ou 28 ans après l'accident de Tchernobyl, puisque vous savez que moi, c'est Tchernobyl qui a déclenché ma prise de conscience sur le fait qu'il fallait absolument une information indépendante des autorités, que le nucléaire va toujours être opacité, hein, la non-transparence et le mensonge, et que 28 ans après, je retourne dans les zones contaminées de Tchernobyl, donc 28 ans après, et c'est important pour Naoto, parce que 28 ans après, il y a plus d'un million de personnes qui vivent dans le terrain contaminé, et 80% des gamins sont malades, hein, ont des problèmes de... comme ils sont en déficit immunitaire, ils prennent toutes les maladies, et en plus, il y a un gros souci sur la concentration des enfants, et le fait que tous ces gens qui vivent en zone contaminée sont des parias vis-à-vis des autres. Alors imaginez les femmes qui sont dans ces zones, elles sont complètement refusées à partir du moment où elles sortent de ces zones contaminées. Donc pour moi, je suis hyper sensible à ça. En même temps, je suis allée à Fukushima, avec Jean-Paul Jaude, vous savez, qui a fait ce film « Tous cobayes ». Et pour la première fois, j'ai... Vous voyez, autant à la CRIRAD, je faisais des mesures de radioactivité dans les aliments, autant là, j'ai vu la détresse humaine. La détresse humaine. Et je comprends tout à fait, quand j'ai lu ce super livre de notre écrivain italien, j'ai tout à fait ressenti comment le fait de perdre son patrimoine, le fait de perdre... ses amis qui constituent les animaux qui entouraient les éleveurs. Comment perdre tout ça, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Vous voyez, cette détresse humaine, c'est... Parce que de déménager, mais là, c'est... On ne peut plus y revenir, quoi. Hein, ça veut dire qu'on ne peut plus transmettre aux enfants. C'est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Vous voyez, quand on parle d'apocalypse... Et souvenez-vous, on en discutait tout à l'heure du livre « Le sacrifice ». Je trouve que c'est... D'ailleurs, il faudrait que vous le lisiez, parce que c'est... Ça fait comprendre que quand on nous dit on peut tout réguler, le nucléaire il peut être safe, hein, il peut être sûr et tout, eh bien, on s'aperçoit que ça soit par les Russes, ou les Ukrainiens maintenant, que ça soit par rapport aux Japonais... on ne peut jamais maîtriser une technologie aussi à risque. Et par contre, ils nous font subir à nos populations des risques terribles. Donc voilà, donc je vais profiter de votre présence et merci vraiment d'être là parmi nous. J'ai mon collègue Romera, hein, qui est député européen, qui vient d'Espagne. Sandrine Bélier va arriver parce qu'elle a présenté son rapport sur la biodiversité. Mais elle va nous rejoindre. Et puis, toutes ces ONG, tous ces gens que je connais depuis des années, mais vraiment merci d'être là. Alors, on va vous écouter, monsieur Naoto, et nous expliquer pourquoi vous avez fait cet acte de résistance. Et comment vous voyez la situation maintenant au Japon? Est-ce que Fukushima a modifié un peu l'état d'esprit des Japonais vis-à-vis de leur toute croyance sur le nucléaire? Bon, allez-y. まあ、あの原発事故があって、まあ、最初はあの日本の国民も原発はもうひどいもんだ、これはとんでもないって、今3年経ちました。 まあ、避難民の人たちはやっぱり福島県の人はもう原発大反対、もういらない、なくしたい。でも例えばもう何百キロも離れた東京とかもうそっちからもう西側といわれる地方はだんだんだんだんもう原発事故のことを忘れたいのか見たくないのか、もうだんだん話が消えてきて、 donc, juste après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima, tout le monde disait que le centrale nucléaire c'est dangereux et la catastrophe qu'on avait eue c'était vraiment quelque chose de terrible. Et, mais maintenant, justement, c'est aujourd'hui le jour pour jour, 3 ans après la catastrophe de Fukushima. Bien sûr, les habitants de Fukushima, la plupart des habitants de Fukushima, ils sont contre la centrale nucléaire, mais ceux qui habitent, par exemple, à Tokyo, Tokyo est 200 km de la Daiichi, et les autres qui habitent beaucoup plus à l'est, beaucoup plus loin, ils ont tendance à oublier la catastrophe, ils pensent plus, ils ont vraiment oublié les dangers et les catastrophes que la nucléaire, centrale nucléaire, nous a provoqué il y a 3 ans. Pourquoi je suis là? C'est parce que pour vous témoigner, pour que vous ne nous oublierez jamais ce qui s'est passé à Fukushima. C'est pour ça que je suis venue pour témoigner et dans le futur, je serai prêt à témoigner dans le monde entier. なおかつまたもう原子力発電所は必要なエネルギーだということで、今日本ではまだ再稼働されようとしています。 Au Japon, actuellement, les autorités, l'État et le TEPCO, ils disent toujours que les centrales nucléaires, ils n'ont pas danger, ils ne sont pas dangereuses et c'est toujours sûr. Et l'État est prêt à redémarrer les centrales nucléaires au Japon. 日本はもう地震のもう多い国で、今度の 3.11 はもう東日本だけで、今度は西の方にはもう必ずプレートが動くという学者の説もあるのに、それでも地層はどうのこうのと言っても再稼働というのは本当におかしな話です。 Comme vous le savez, le Japon est un pays sismique. La catastrophe qu'on a eue il y a 3 ans.C'était le séisme qui a eu lieu dans l'est du Japon. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'il y aura sûrement un autre séisme à l'ouest du Japon dans un futur proche. Tout de même, l'État est prêt à redémarrer les centrales nucléaires. Je ne comprends pas vraiment pas. もしかしたら我々の世代にもう一度福島第一原発みたいな事故が、まあ、日本はかなりの確率だということがもう学者も言ってますので、もし事故が起きるとすれば、私はもう先進国という看板のもとに原子力を動かしている日本とかフランスが次の事故を起こすのではないかと懸念しています。 Je pense que peut-être il y a un autre accident nucléaire qui pourrait arriver pendant que je vis. Surtout au Japon, qui est un pays sismique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en plus, je m'inquiète pour la France, parce que vous avez beaucoup de centrales nucléaires. Et donc, peut-être qu'il y aura un autre accident, soit chez nous ou soit chez vous. 原子力事故を3マイル、チェルノブイリ、福島第一原発と3回も経験しているのに、まだ原子力に頼るというのはおかしな話で、これからはやっぱり自然のクリーンなエネルギーをもう開発して、まあ、近い将来は原子力はなくても大丈夫という国にもうこれからはなってもらいたいと思います。 Nous avons déjà vécu trois grandes catastrophes de l'accident nucléaire. Premièrement, Three Mile Island aux États-Unis et deuxièmement, Tchernobyl, troisièmement, Fukushima. Malgré tout, on essaie d'utiliser toujours l'énergie nucléaire. Et à mon avis, il faudrait qu'on utilise plus d'énergie recyclable. あと付け足しますが、今福島原発の事故の収束はもう大変悲惨なもので、3年経っても未だにどうにもなりません。もう時々起きる事故はもうレベルの数値がもう全然我々ではもう想像を絶する値です。 Ça fait déjà 3 ans qu'on a eu l'accident nucléaire à Fukushima. Mais on est loin de maîtriser l'accident de Fukushima. Tous les jours, il y a des problèmes. Fuite des eaux contaminées, il y a toujours des milliards de becquerels qu'on peut... on est plus qu'habitué à cette situation anormale. C'est ça ce qui se passe actuellement à Fukushima. TEPCO a mis en place le meltdown 30年から40年で収束できると言ってますが、私の考えでは多分一生かかってもっていうか千年もかかってもあのままでもう福島県は終わりじゃないかと思っています。 TEPCO nous assure que au bout de 34 ans tout sera maîtrisé, mais nous avons eu un cœur fondu, réacteur complètement fondu, maintenant. Donc à mon avis même milliers d'années, même milliards d'années ne sont pas suffisants pour gérer complètement l'accident de Fukushima. それはなぜかというと、今収束のことにいろんな労働者がいろんなところから集まって働いているんですけど、多分被爆すると政府とテプコに使い捨てられて。何のケアも受けられなく働く人はどんどんいなくなる多分、まあ、技術者はほとんどいなくなるでしょうだからもう事故ももう必ず増えていくでしょうこれから Pourquoi je suis presque sûr qu'on ne peut pas maîtriser l'accident de Fukushima tout de suite? C'est parce que déjà il manque de travailleurs qui travaillent à la centrale d'Aichi. Au bout de quelques mois, ils sont assez contaminés, donc ils doivent quitter le site. Et en plus, ils sont très très mal payés. Donc forcément, on aura moins en moins de travailleurs qui puissent travailler à la centrale nucléaire. Cela veut dire qu'on aura moins en moins d'ingénieurs compétents qui puissent travailler pour maîtriser la centrale nucléaire de Fukushima. それでも日本はもうオリンピックを目指して今から7年後に、まあ、東京オリンピックということでもう今どんどん騒いでいますけど、それがもう現実的に今度建設とかもう施設を作るとなれば、まあ、危ない原子力発電所で働くよりも必然的に労働者は東京に流れもう よくよくあの危ない原子炉で働く人は技術さんがいなくなるでしょう。 Et en plus, comme vous le savez, nous allons accueillir les Jeux Olympiques dans 7 ans à Tokyo. Cela veut dire qu'on aura besoin de main-d'œuvre pour faire construire des sites des Jeux Olympiques. Cela veut dire qu'on aura et moins de travailleurs qui veulent travailler à la centrale Fukushima qui est très très dangereux. Donc il y aura moins en moins de travailleurs à la centrale Fukushima. 本当であれば日本の政府は国民の生命、財産を守るのが第一の目的で、それをなされないのが我々福島の人間です、人たちです。ということは私たちは多分日本人じゃないように扱われているのかもしれません。 Normalement, le gouvernement est censé sauver la vie du peuple. Mais nous, les habitants de Fukushima, on est traités comme si on est des parias. On est complètement abandonnés par l'État. On n'est plus japonais, les habitants de Fukushima. まあ、とにかく一度爆発すれば止められない。今の科学と技術では無理だ。もう被害に遭うのはその地域の人、動物、全ての生き物にはもう、ものすごい被害が及ぶことで、こんなことを続けてれば地球上どこでもこういう事故が起こり得るので、まあそうなればもう、まあ早い話、我々が避難したように、あっちに避難、こっちに避難で最後には避難するところがなくなると思います。 Donc une fois que l'accident arrive, on ne peut plus stopper, on ne peut plus maîtriser l'accident. Et donc forcément, les peuples, ce n'est pas non seulement des humains, mais aussi les animaux, ils seront complètement contaminés. On n'aura plus d'endroit où on peut être évacué. Donc c'est vraiment une catastrophe. Donc maintenant, et je vais vous prononcer le droit que j'aimerais bien réclamer. Donc les droits de l'homme, je suis là pour réclamer le droit de l'homme. 放射能難民になる権利 Le droit d'être reconnu comme réfugié irradié 放射線のレベルによっては避難する権利 Le droit de réclamer l'évacuation en fonction du niveau de radiation この人や子供たちが放射能に汚染されていないクリーンな食べ物を得ることができる権利 Le droit de protéger les enfants de Fukushima contre la radioactivité, droit de se procurer des aliments propres non contaminés pour les enfants aussi bien que pour les adultes. Le droit pour les animaux. Les droits pour les animaux. Les animaux doivent être évacués et protégés en cas d'accident nucléaire. Les animaux abandonnés dans la zone contaminée ne doivent pas être tués. Liberté d'expression. 原発事故の前は東京電力はマスコミのスポンサーになることで批判を封じ込めてきました。 Avant Fukushima, c'était TEPCO, grand sponsor des médias japonais, qui censurait les opinions publiques. Maintenant, c'est la nouvelle loi sur la protection des secrets qui fera taire les médias et les dénonciateurs. Parce qu'il est plus facile de ne rien dire sur Fukushima Daiichi que de chercher à résoudre les vrais problèmes du nucléaire. Avec cette nouvelle loi, nous n'aurons plus le droit d'accéder aux informations ni de critiquer l'État. この新しい法律によると、自分の意見を他人に強く主張する者をテロとしていることから、私自身や誰でもテロリストにされる可能性があります。Donc, nous risquons d'être considérés comme terroristes, quel que soit notre statut. Mais moi, Naoto Matsumura, pourrait être considéré comme tel. 最後に、 私自身の警戒区域での体験から、私は福島県の放射能汚染、その結末において、ヨーロッパの人々に警告します。 Finalement, Naoto Matsumura, moi, je vous signale, d'après mes propres expériences vécues dans une interdite, 除染は不可能です。 Que la décontamination de terroir est impossible. 汚染地域に住むことは、できなくなります。 Et que le retour dans les zones contaminées est impossible. France で事故が起きれば、広い地域が失われることになるでしょう。 Si jamais un accident pareil arrive en France, vous perdrez certainement une vaste étendue de la terre dans votre pays. Merci beaucoup. Merci, merci Naoto de ce témoignage. Moi j'aurais des questions à vous poser, mais comme on a des personnes ici présentes qui ont fait le déplacement, est-ce que vous avez des questions à poser à Naoto? Naoto a été très clair. Allez-y. Il est... voilà, je veux remercier Naoto-san. Mais il a été vraiment très clair. Je le remercie infiniment. Il a été clair ce qu'il a dit. Jean-Jacques. J'aimerais savoir si M. Matsumura Naoto confirme qu'à certains moments, on a ramassé, entre guillemets, les SDF dans des parcs pour faire le travail. Et est-ce que ça continue? Très probablement, ça continue toujours. Oui, j'ai vu que les Tokoïtes, donc les habitants de Tokyo, avaient élu à leur tête un maire pro-nucléaire. Comment est-ce que ça a été perçu dans le reste du pays? と推進派の争いということがありましたが、結果は推進派が圧勝で、多分ほとんどの国民はがっかりしたと思います。 Effectivement, c'est le maire pro-nucléaire qui a été élu à Tokyo, et je suppose que la plupart des Japonais ont été déçus de ce résultat. Je vais reprendre la parole puisqu'on a nos jeunes qui sont arrivés, que vous attendez. Je crois que vous avez eu du retard à cause de bouchons au niveau de Strasbourg. Il vaut mieux venir en vélo peut-être à Strasbourg, hein, par exemple. Ouais, problème. Bon, je suis très contente que vous soyez là. Je voudrais vous présenter Naoto Matsumara, qui est quelqu'un qui vit dans la zone contaminée de Fukushima. Alors, ça serait intéressant de lui poser la question de pourquoi il reste dans la zone contaminée. Il y a une culture japonaise qui fait que c'est un acte un peu de résistance. Et en même temps, il y a un lien très fort entre, je dirais, la nature, hein, et l'être humain au Japon. Et je voudrais qu'il nous explique un peu quelle est la situation à l'heure actuelle dans les zones contaminées. Pourquoi il reste dans cette zone contaminée? Parce que ce n'est pas un acte anodin. Je le dis aux jeunes, de vivre en zone contaminée, c'est un suicide annoncé. Puisque vous savez qu'au-delà de l'irradiation, c'est-à-dire des particules radioactives qui sont au niveau du sol, où il y a des rayonnements gamma, hein, qui vous traversent et qui peuvent détruire certaines ou casser des molécules d'ADN, vous avez aussi la contamination interne. Et la contamination interne, elle passe par l'eau, l'air et les aliments que vous pouvez consommer. Et cette contamination interne est terrible parce que, suivant les rayonnements, les rayonnements vont se caser dans certaines parties du corps. Alors ça peut être le césium au niveau des muscles, ça peut être au niveau du cœur, parce que ça c'est les études de Tchernobyl qui ont montré qu'une contamination interne détruit les fibres musculaires, notamment cardiaques. Mais ça peut aller aussi au niveau de toutes les glandes. Que ça soit la thyroïde, c'est pas seulement le problème de l'iode, mais aussi du césium. Et là, il y a eu une forte contamination en strontium, qui est qui est un radioélément qui a une période de vie de 28 ans et qui se met à, au niveau des eaux. Donc, c'est pas anodin de vivre en zone contaminée. Donc, je voudrais, alors, on a commencé sans vous, hein, mais je voudrais qu'il revienne sur pourquoi il vit en terre contaminée. Quel est le message qu'il veut transmettre? Parce qu'il est venu ici à Strasbourg, il était à Fessenheim ce dimanche, participer aux manifestations. Voilà, moi la question, Maoto, que je voudrais te poser, puisque tu as des jeunes qui sont là, qui sont venus t'écouter, pourquoi cet acte de résistance et qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre? いや、私は最初はもう、まあ、ただ単にあそこに残ったっていうか、もうそれは最初に残った理由が、もう私はその時のことは私の問題ではなくて、うちの母親が病弱で、もう避難所生活は無理だ、もう避難するなら私はここで死ぬと言われて、母親を置いていくわけにはいかないので、最初に Tout au début, ce n'est pas quelque chose acte de résistance. C'est simplement ma mère qui ne voulait pas partir. Elle nous a dit qu'elle préférait mourir à Tomioka. C'est la raison pour laquelle on a décidé de rester à Tomioka dans un premier temps. まあ、少しの知識でも放射能という怖さはある程度は分かっていたので爆発を聞いてから爆発音を聞いてからは2、3日は多分部屋から出なかったと思います。 Je connaissais vaguement, je savais vaguement que la radioactivité était quelque chose de dangereux. Donc après deux ou trois jours après l'explosion de centrale de Daiichi, je restais enfermé à l'intérieur de la maison. Et au bout de deux ou trois jours, je suis sorti. Et j'ai découvert des animaux qui ont été abandonnés. D'abord, j'ai trouvé des animaux juste à côté de chez moi. Et après, je suis un peu partie dans la zone contaminée et j'ai découvert d'autres animaux abandonnés. 犬や家畜はすべて置き去りになってました。特に犬はつながれたままで、もう餌も水も空っぽでした。 J'ai trouvé beaucoup de chiens, et les chiens, la plupart des chiens ont été attachés, et ils n'avaient rien à boire ni manger. J'ai aussi trouvé beaucoup de vaches, et qui ont été abandonnées, bien sûr. そのつながれている犬との目と目があったときに犬が悲しい顔で私を見たときにその時私は本当は犬と約束しちゃったんです。 Et quand j'ai vu un chien qui me regardait avec les yeux vraiment pleins de tristesse, c'est à ce moment-là que j'ai fait la promesse. J'ai promis avec ce chien. 心配することはない。 Je lui ai dit, je dis à ce chien que ne t'inquiète pas, c'est moi qui est ton maître maintenant et je vais te nourrir, ne t'inquiète pas. そういう活動をしているうちに、やっぱり原子力災害のひどさというものは、これはもう広く世間の人に知ってもらいたく、こういう活動をしてするようになりました。 Et petit à petit, je me suis dit,Il faut que je fasse savoir cet état cruel, ce qui se passe dans la zone contaminée. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé petit à petit les mouvements, mes démarches anti-nucléaires. 私はこの世の地獄を3年間見てきました。 Depuis 3 ans, je constate des effets, des résultats infernaux qui ont été causés par l'accident nucléaire de Fukushima. 私はもう原発災害を二度と見たくありません。 Je veux plus voir l'accident nucléaire。 どんなとこからでも情報を発信して、もう世界中の原子力発電所を止めたいと思います。 C'est pour ça que je voudrais stopper, arrêter toutes les centrales nucléaires dans le monde et je suis prêt à vous donner.Mes informations, mes messages. Parce que je n'avais jamais imaginé qu'un accident nucléaire arrivera à côté de chez moi. ある日、その事故が私の近くで起き、私の人生ともう運命はもうすべて終わり、ふるさともなくなりました。 Et un jour, effectivement,Un accident nucléaire a eu lieu juste à côté de chez moi et c'est à ce moment-là que j'ai tout perdu. J'ai perdu mon pays natal. Vous, en France, vous avez 58 réacteurs.Et nous, au Japon aussi, nous avons beaucoup de réacteurs. Donc, c'est peut-être, ça pourrait arriver l'accident nucléaire chez vous demain. Je voudrais vous poser une question.Est-ce que les centrales nucléaires sont 100% sûres ou bien est-ce que les centrales nucléaires pourraient... est-ce qu'il y aura un accident nucléaire dans une centrale nucléaire? その答えは絶対に事故が起きるというのが正しいと思います。 Ma réponse, c'est que c'est sûr qu'il y aura un accident nucléaire. だからこんなリスクの大きなエネルギーはやめて自然のクリーンなエネルギーに方向転換したいと思います。 C'est la raison pour laquelle qu'il faudrait qu'on passe aux énergies recyclables plus écologiques. だから私はこういう活動もこれから続けていきます。 Donc, je suis prêt à faire des démarches anti-nucléaires et à témoigner dans le monde entier. 皆さん、ありがとうございました。 Merci beaucoup. Merci. Est-ce que... alors, je suis ravie d'accueillir... Alors, c'est pas un lycée à Strasbourg, c'est le lycée Clouret de la ville de Bar. C'est ça, alors vous ne pouvez pas dire quand même. Donc, vous avez entendu Naoto. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Alors, les...Là, et puis les jeunes, ça m'intéresserait de savoir, vous avez vu la question, est-ce que pour vous, un accident nucléaire est possible? Déjà, première question, comment vous voyez ça? Et est-ce que vous avez des questions à poser à Naoto qui vit dans cette zone contaminée de Fukushima et qui, vous voyez, a une relation très forte avec le peu de vie qui reste? Oui, merci. Je voulais simplement d'abord remercier M. Naoto et lui demander quelques précisions. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer les enfants de Fukushima l'année dernière, qui sont passés quelques jours chez nous. Dans vos désirs, si j'ai bien compris,Vous souhaitez que les enfants ne mangent plus d'éléments contaminés. Est-ce que c'est bien au jour d'aujourd'hui encore la situation? Deuxièmement, j'ai croisé ces enfants, j'ai joué avec, et ils m'ont dit, enfin, par un interprète bien sûr, que, parce que je ne parle pas le japonais, qu'ils étaient confinés dans les écoles.Et alors, quand je dis mais, vous pouvez aller à l'école un peu plus loin. Vous soulignez que dans le cadre scolaire. Et personne n'a pu me répondre à cette question. Pour eux, c'était quelque chose de presque impossible de quitter cette zone. Quelle est la réalité pour ces enfants-là? Merci. Donc, en ce qui concerne la première question, les aliments que les enfants mangent, ça dépend des parents. Si ce sont des parents qui sont vraiment sensibilisés, qui pensent vraiment à la radioactivité et les aliments contaminés, dans ce cas-là, ils donnent aux enfants les aliments entre guillemets propres. Ils essayent de trouver des aliments qui viennent de l'étranger ou bien qui viennent de loin. Mais il y a d'autres parents qui s'en fichent un peu, qui disent que voilà, c'est bon, parce que l'État dit que c'est bon à manger. Donc c'est vraiment, ça dépend des parents. C'est ça la réponse en première question. まあそれは親が心配して、まあ、遠くの学校まで連れて行った親もいると思いますが、それはやっぱり政府に問題があると思います。ここまで来れば大丈夫だ。これこのレベルだったら大丈夫だ。まあそういう問題でも行くに行かれない理由もあると思います。 Deuxième question, ça aussi c'est les parents. Mais moi je trouve que c'est plutôt la faute du gouvernement, parce que le gouvernement dit que c'est il n'y a pas de problème que les enfants aillent à cette école dans cette zone. Donc forcément les parents disent aux enfants que vous pouvez aller à cette école. Donc c'est plutôt la faute du gouvernement qui laisse certaines écoles dans les zones contaminées et qui autorise aux enfants d'aller à cette école. 最初にもう食費食べ物ではもう政府の発表は500ベクレル以下は大丈夫っていう発言をしてもう国民が騒いだ時に最終的には100ベクレル以下ならば大丈夫ってこの例えば100ベクレル以下だから大丈夫っていうのが99は大丈夫で101はダメかっていうともう役所的にはもう101はダメだだから99は大丈夫だ多分その大丈夫だが、そういういろんな問題がもう忘れ去られていく問題なのか、それも今懸念しています。 Parce que le seuil de la radioactivité juste après l'accident nucléaire, c'était de 500 becquerels par kilo. C'était vraiment énorme. Donc il y avait beaucoup de protestations et maintenant c'est de 100 becquerels par kilogramme.C'est déjà beaucoup, mais si c'était de 99 becquerels, c'est bon. On peut vendre ces aliments. Donc, il y a vraiment de problèmes au niveau de la contamination des produits. Oui, je voulais vous dire certaines choses là-dessus. Quand il y a eu l'accident de Tchernobyl en 86, les normes sur le lait...C'était 370 becquerels de césium 134 et 137 par litre pour le lait et les aliments destinés aux nourrissons. Et c'était 600 becquerels pour les aliments destinés aux adultes. Là-dessus, l'Europe a fait passer une réglementation sur la contamination des aliments en cas d'accident. Et c'est passé de 600 à 1000. Donc, si demain il y a un accident, on est à 1000 becquerels en césium 134 et 137 par kilo, quel que soit l'âge. Donc, nous les écologistes, on a beaucoup râlé, sauf que c'est Euratom, c'est-à-dire c'est même pas le traité de Lisbonne, on a la co-décision, on n'est que consulté, nous les parlementaires, parce que tout ce qui touche au nucléaire, c'est le traité Euratom. Donc, ce sont que les spécialistes du nucléaire qui ont le droit de dire ce qu'il en est sur le nucléaire, la contamination et la radioprotection. Et puis, il y a eu l'accident de Fukushima. Donc, l'Europe était à 1000 becquerels et les Japonais étaient à 500 becquerels. C'est ce que vient de dire Naoto. Et donc, on dit au président de la Commission, mais alors, la norme, c'est quoi? C'est 1000 ou c'est 500? Et le président de la Commission a dit, mais puisque les Japonais sont à 500, il va falloir qu'on descende au niveau. Donc, on est à 500 becquerels par kilo. Et le problème, c'est qu'au Japon, à 500 becquerels par kilo, quand vous commencez à manger des légumes, du lait, de la viande, et notamment la viande de bovin est montée jusqu'à 3000 et 6000 becquerels par kilo de césium 134 et 137, vous voyez que tous les jours, vous vous contaminez. Et ce n'est plus la dose de 1 millisievert, parce qu'il y a, vous voyez, une relation entre les becquerels, qui sont une des intégrations par seconde, et la dose que vous avez dans le corps, normalement, on ne doit pas dépasser 1 millisievert par an. Eux, ils ont accepté 20 millisieverts par an. Et donc ça, ça vous augmente le nombre de cancers que vous allez avoir. Et donc, les Japonais ont dit, mais ce n'est pas possible vis-à-vis de nos enfants. Et ils sont descendus maintenant à 100 becquerels. Alors que nous, vous voyez, c'était 1000, maintenant 500, et les 100 becquerels, pourquoi? Parce que les Japonais, ils importent des produits. Et nous, ils exportaient aussi des produits. Et nous, on a récupéré du thé contaminé du Japon. Et on demandait à ce que tous les produits, vous voyez, soient analysés. Alors, les Européens ont dit, eh bien, on accepte jusqu'à 500 becquerels. Mais les Russes et les Australiens ont dit, ah ben nous, on bloque toute exportation de produits japonais, puisqu'on a le choix. Et ça, ça vous renvoie à un problème. C'est que si le Japon est contaminé, vous avez deux attitudes. Soit vous dites, ah ben il faut faire marcher le commerce, business, hein, et donc on accepte des niveaux de contamination, ou vous pouvez dire, mais moi je vais protéger mes enfants, j'ai le choix d'avoir du lait à 0 becquerel, pourquoi j'accepterais 100 becquerel ou 500 becquerel? Donc vous voyez, ça pose un sacré problème. Et quand je suis allée au Japon, les femmes, elles étaient beaucoup plus sensibles que les hommes à la radioactivité. Elles voulaient protéger leurs enfants. Et elles ne font plus confiance aux autorités nationales qui leur disaient « Mais non, on a fait le contrôle, c'est bon, vous pouvez consommer. » Mais il y a eu après des organismes indépendants qui sont venus faire des analyses sur les aliments qui leur ont dit « Non, non, non, non, il y a du lait contaminé, etc. » Vous voyez, parce que 100 becquerels, enfin moi j'étais à 500 quand j'y suis allée, quand vous avez 499 becquerels, vous êtes en dessous de la norme, et quand vous avez 410 becquerels, vous êtes au-dessus. Mais il faut bien que vous sachiez que toute dose de radioactivité peut occasionner un risque de déclencher des cancers. Hein? Ce n'est pas un seuil d'innocuité, ce n'est pas parce que vous avez un seuil au-dessus, il y a un risque, et en dessous, il n'y en a pas. Il y en a sur toute dose de radioactivité. Et donc, le gros souci qu'on a au Japon, c'est que la nourriture, dans toute la zone, la préfecture qu'on appelle Fukushima, elle est contaminée, mais comme l'État ne veut pas alarmer la population, eh bien, il désinforme en permanence. Et ce qui est très grave sur la situation en Fukushima, c'est que comme l'eau est contaminée, vous voyez, vous avez une nappe phréatique qui passe sous la centrale, elle se contamine parce que comme on refroidit en permanence les cœurs de réacteurs, ça contamine la nappe. Et tout ça, ça va dans l'océan Pacifique. Et puis, ils sont en train de pomper, c'est comme les Shadoks, ils n'arrêtent pas de pomper cette eau contaminée. Alors, ils ont fait des systèmes de décontamination, mais ça enlève seulement le césium. Et tout ce qui est strontium, tout ce qui est autre radioélément, eh bien, ça repart dans la mer. Et à l'heure actuelle, il y a une contamination de l'océan Pacifique, et on a trouvé des poissons dans la zone californienne qui dépassaient des niveaux incroyables, notamment du thon, qui était à 3 000 à 4 000 becquerels par kilo. Donc vous voyez que le Japon, c'est une île, mais un accident comme ça, eh bien, avec la contamination qu'on n'arrive pas à résoudre sur ces réacteurs, parce que les trois ont fusionné, donc vous voyez que ça a percé la cuve de réacteur, c'est passé au niveau du béton, donc comme c'est hyper chaud, ça vous bouffe le béton, et dessous, vous avez l'eau. Et donc, c'est quelque chose qui est terrible, vous n'en êtes pas compte. Enfin, moi, ça me... Quand je vois cette situation, je me dis, mais quand je vois tous ces ingénieurs qui disent, on va maîtriser, mais ils ne maîtrisent rien. Ils ne trouvent même plus de travailleurs, ils vont chercher les SDF pour faire les travaux les plus contaminés et irradiants. C'est ce que je voudrais vous dire aux jeunes, c'est terrible une catastrophe nucléaire. On a une désinformation en France, comme si nous, les Français, on est les meilleurs, tout ça. Mais avec nos 58 réacteurs, demain, c'est nous. C'est chez nous que ça va se passer. Alors, vous avez le témoignage des Japonais qui viennent ici pour vous dire, attention, la technologie, on ne maîtrise pas tout. Et les Japonais étaient hyper bons en technologie. C'est une désinformation permanente. Et vous avez, vous, les jeunes, on a besoin de vous. Vous avez fait ce Fessenheim qu'on veut arrêter. Parce que demain, c'est à nos pas. Et ça veut dire que vous allez tout quitter. Votre maison, votre jardin, vos animaux, c'est fini. Une catastrophe nucléaire, c'est une apocalypse. Et c'est ça qu'on ne vous dit pas dans les médias. C'est quelque chose qu'on ne peut plus gérer. C'est pas comme une guerre, on peut se dire, demain ça va s'arrêter la guerre, il y aura la paix. Là, il n'y a plus de paix. Hein, je ne sais pas si... Voilà. Oui. Bonjour Monsieur Naoto, j'avais une question. La semaine prochaine, il y a un conseil européen, un sommet, qu'on appelle le sommet du printemps. L'énergie est un des points à l'ordre du jour. Donc l'énergie, la stratégie énergétique européenne est à l'ordre du jour la semaine prochaine. Vous souhaitez voir reculer, sinon disparaître, le nucléaire dans le monde. C'est ce que vous avez dit à la fin de votre intervention. Mais on est loin de ça, et à commencer par un pays comme la France, est loin d'écouter le message des écologistes qui sont pourtant dans le gouvernement. Vous en pensez quoi? Parce que votre projet est louable, mais le chemin est encore très long pour parvenir à ça. Merci. あの例えば本当の単純な話なんですけど、フランスの最終処分場を見てきたんです。 j'ai visité Bure, le site d'enfouissement. その時に聞いた話なんですけど、毎年ここには10億ユーロ。 Et là-bas, j'ai entendu, j'ai visité le site d'enfouissement et j'ai entendu là-bas qu'il y a 1 milliard d'euros qui sera versé sur ce site comme budget. そこから、まあ、近くにあった風力発電ですね。あれって一気にいくらでできるのか。もうそんな10億ユーロもあったら、もう永遠と作るくらいできるんじゃないかって、まあ我々みんなで話してきたんですけど、どうもお金の使われ方がおかしいと思います。 Et on s'est demandé à ce moment-là, et est-ce que, par exemple, une éolienne...Combien ça coûte pour faire construire une éolienne? Donc, à mon avis, c'est le budget et c'est la gestion de l'argent qui n'est pas très bien organisée. C'est ça mes impressions. Est-ce que Madame Conan, voulait dire un mot. Vous nous avez amené vos élèves. Hein? Allez-y. Bonjour, écoutez, je remercie beaucoup Michel Rivasi de nous avoir accueillis ici. Donc nous venons du lycée Churet de Bar, où nous avons eu depuis longtemps à cœur d'avoir des projets de développement durable d'une part, et d'autre part j'enseigne donc les sciences de la vie et de la terre, avec au programme officiel donc certaines parties du programme qui correspondent à de l'éducation à la santé et à l'environnement. Les élèves qui sont venus aujourd'hui font partie de deux secondes qui se sont investis dans le projet qu'on a monté dans l'établissement, qui a commencé dès le mois de septembre, qui a mobilisé une dizaine de collègues dans différentes matières et qui a mobilisé un nombre important d'élèves dans les différents niveaux. Donc ces élèves qui sont venus ici se sont investis d'une part pour pouvoir organiser une demi-journée de solidarité qui a aidé au financement du voyage de Naoto, et d'autre part monter une chorégraphie avec un intervenant extérieur qui a été présenté hier soir à l'équipe japonaise et qui les a profondément touchés. La raison pour laquelle nous sommes venus aussi, c'est d'une part de profiter de l'opportunité de voir le Parlement européen avec ces élèves-là, et aussi peut-être qu'ils prennent la mesure de l'importance de leur position, à savoir que ce sont eux qui vont faire des choix de citoyens et des choix professionnels qui peuvent peut-être orienter la recherche, orienter la dynamique scientifique vers des solutions alternatives. Ils ont tout le pouvoir de dire non, maintenant ça suffit, on a compris le message, on pense au suivant, pense à nous et au suivant, et on va vouloir faire quelque chose concrètement. Il n'y a pas que le militantisme, il n'y a pas que les actes citoyens, il y aura aussi peut-être des choix professionnels qui vont en découler. Donc nous les encourageons de toutes nos forces à réfléchir l'avenir leur avenir à eux et l'avenir de leurs enfants et des enfants de leurs enfants, etc. Voilà, je vous remercie infiniment. Ben, merci d'avoir amené ces élèves. Alors bienvenue au Parlement européen. Vous voyez que le Parlement européen, les députés européens qui ont des positions différentes et qu'il y a plusieurs partis politiques et que la parole est libre. Donc, est-ce qu'il y a des jeunes là, qui veulent poser des questions? Moi? Oui, vas-y. Ah oui, quand vous dites vous occupez des animaux et que vous les aimez beaucoup, est-ce que comme ils sont soumis à la radioactivité, vous êtes conscient qu'ils risqueraient de mourir dans d'atroces souffrances? Effectivement, les animaux sont contaminés, sont exposés au rayonnement, à la radiation 24 heures sur 24. Mais autant que je sache, à mes impressions, ils ne souffrent pas. Et pour moi, il me semble qu'ils sont vraiment en bonne forme. Mais je ne saurais pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Autre question? J'en profite alors pour saluer ma collègue Sandrine Bélier, qui est députée européenne dans le Grand Est. Hein. Je crois que vous avez manifesté ensemble contre Fessenheim. Tu veux dire quelques mots? D'une part, tu as des associations qui sont là avec des gens très sensibilisés, puis tu as plein de jeunes qui viennent un peu s'informer sur ce qui se passe au Japon. Avec la venue d'un pays. Merci, merci Michel. Je vais être courte. Je vous prie de m'excuser d'aller en cours de conférence, mais de toute façon, vous aviez la meilleure d'entre nous sur les questions du nucléaire. Je voudrais simplement me réjouir de la venue de Naoto en France, remercier l'ensemble des acteurs, associations qui ont participé à permettre cette venue, à lui permettre de porter son témoignage. Avec Michel, et je pense qu'elle l'a dit, pour nous, c'est un honneur et important qu'il soit venu témoigner au sein du Parlement européen, parce que c'est une question, autant nous sommes très concernés en France, on en a parlé dimanche à Fessenheim, destin commun entre Fukushima et Fessenheim, mais nous avons aussi une vraie responsabilité au niveau européen, et d'ailleurs les associations ont interpellé l'Europe dimanche, beaucoup, de savoir est-ce que l'Europe était prête à s'engager dans la sortie du nucléaire, quelle était notre position en tant que parlementaires européens sur les fonds européens qui bénéficient à l'industrie nucléaire encore aujourd'hui. Alors rassurez-vous, pour ce qui concerne les écologistes, nous avons voté contre le budget, nous avons voté contre ce budget d'austérité, mais contre ce budget qui prévoit aussi et encore un financement, et notamment le financement d'ITER. Nous restons engagés dans la lutte contre le nucléaire, pas par dogmatisme, mais parce que, d'une part, cette énergie, et nous le savons, présente des dangers pour les populations, parce que cette énergie ne présente aucun intérêt d'un point de vue économique, elle coûte très très cher, qu'elle a un impact environnemental à plusieurs décennies et qui sera payé par les générations à venir et à venir et à venir, et parce qu'on a dans les mains de l'or un vrai projet dans la transition énergétique que sont les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables, des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique. Et c'est en ce sens que pendant tout le mandat, d'un côté, Michel notamment, qui a été très très très active, mais ça ne vous étonne pas, à remettre en exergue, à remettre en avant les dangers, le coût du nucléaire, et parallèlement l'ensemble du groupe des écologistes de pousser au maximum vers une politique énergétique des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Malheureusement, nous ne sommes pas majoritaires dans ce Parlement européen. Nous sommes un groupe qui pèse, un groupe qui compte, quatrième groupe politique. Nous arrivons à constituer des majorités de projets, à faire balancer les décisions. Mais sur la question du nucléaire, c'est un des domaines sur lequel nous n'arrivons pas. Nous ne sommes pas arrivés sur cette mandature, mais nous ne renonçons pas à continuer à convaincre pour autant. Mais qu'il s'agisse des conservateurs de gauche comme de droite, nous n'avons pas réussi à constituer des majorités pour acter du désengagement de l'Union européenne dans son ensemble dans l'investissement et le développement de l'énergie nucléaire sur le territoire européen. Nous ne renonçons pas. Et plus que jamais déterminés et sur l'expérience et cette occasion de commémoration de ce triste événement humain qui s'est passé à Fukushima, plus déterminé que jamais à empêcher, à éviter qu'une telle catastrophe touche les citoyens européens. Alors, nous allons terminer, parce que là, je vois qu'il y a notre groupe qui s'annonce. Naoto, si tu as quelques mots de conclusion. À la fois pour la jeunesse qui nous entoure, à la fois pour toutes les associations qui militent depuis des années. Quel est le message que tu voudrais leur transmettre? 私が体験して自分でもびっくりするほどのもうすごい影響があった原子力災害はもう私の世代でたくさんです。皆さんの世代にもし起きたらこれはもう人間は ただのアホです。これからはやっぱり我々がその世代を支えてもう次の世代に新しいエネルギーの橋渡しをするのがもうこれがもう世の中人類世界平和の最短でないかと思います。 Malheureusement, il y a trois gros accidents nucléaires qui sont arrivés dans ma vie. Mais j'espère que dans votre génération, dans le futur, j'espère qu'il n'y aura plus d'accidents nucléaires. Mais s'il y a un autre accident nucléaire, je dirais que les êtres humains sont vraiment stupides. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait qu'on cherche, on trouve des énergies recyclables, renouvelables et plus écologiques. Et c'est ça la mission que je dois faire et qu'on doit faire ensemble. Voilà le message. Alors, vous les jeunes, orientez-vous sur des études qui vont développer la recherche et développement. Orientez-vous sur les énergies renouvelables. Et faites en sorte dans vos choix politiques de tout faire pour qu'il y ait un avenir à la fois au niveau de cette génération, mais aussi sur les générations futures. Ouais. Donc l'avenir vous appartient, mais vous avez aussi la possibilité de choisir. Voilà. Hein, je crois que c'est important. On remercie Naoto Matsumura. On remercie aussi l'écrivain qui a fait ce super livre que je vous encourage à lire, hein, qui est La vie de Naoto dans les zones contaminées et pourquoi il a fait ce choix-là, qui s'appelle Le dernier homme de Fukushima, d'Antonio Pagnotta. Il est ici présent, il prend des photos. Merci d'avoir participé à cet événement, parce que c'est important de reconnaître et la venue de Naoto qui fait un peu le tour des différents pays européens. Son témoignage, c'est pour dire plus jamais ça. Ouais. Mais en même temps de dire Fukushima c'est loin d'être fini, comme Tchernobyl c'est loin d'être fini, et que pour éviter un accident nucléaire, eh ben, il faut renoncer au nucléaire. Allez, merci à vous tous. Et on a un autre point commun avec Naoto, c'est un profond respect et un profond engagement pour la cause animale.